Scène 9. Dufausset puis Amandine Landerneau. Dufausset est seul, il lit le billet et le commente. Que peut-elle me dire? Tiens, ce ne sont pas des cailloux, c'est de l'argent. Ah, les 6 sous! Elle aurait pu les garder. Je sens que je fais des folies et que j'en ferai d'autres. Est-il possible? Ah, cher ange, ne dites rien à mon mari. Tiens, parbleu, pas si bête. Je ne dis rien non plus. Je l'espère bien. Soignez bien mon serin, son serin. Ça doit être son mari. Elle a une façon d'appeler des choses. Certainement, je le soignerai, ton serin. C'est dans l'ordre, cela. Et si vous voulez être tout à fait adorable, voyons, achetez-moi une paire de jarretières bleues. Hein? Une paire de... Mais je crois bien. Elle est exquise. Une paire de... On ne voit ça qu'à Paris. Mais je vais courir lui en acheter des masses. Je vous embrasse. Amandine Landerneau. Ah. Amandine arrivant par le fond. Le ténor, je suis émue. Ah, Amandine, chère Amandine. Il pense à moi. Oui, va, je te donnerai des jarretières. Il veut me donner des jarretières. J'en ferai venir un lot. Ah, mais tu m'aimeras, dit Amandine. Tu m'aimeras. Mais j'aime mon mari, moi, monsieur. Hein? Vous? Mais je n'en doute pas, madame. Mais qu'est-ce qui lui demande quelque chose? Encore une qui a l'araignée. Je l'ai intimidé, pauvre garçon. C'est-à-dire, j'aime mon mari, mais non au détriment des autres amitiés. Ah, vraiment? Qu'est-ce que ça me fait à moi? Ne rougissez pas, jeune homme. Je ne rougis pas. Ainsi, quand je vais dans la colonne Vendôme, ne blanchissez pas, jeune homme. Mais je ne blanchis pas. Souvent, on se croise, on se rencontre. Une fois, entre autres, il descendait, je montais, je me suis effacée. Allons donc, comment avez-vous fait? Il m'a frôlé. Ne verdissez pas, jeune homme. Mais je ne verdis pas. Elle voudrait me faire passer par toutes les couleurs. Et de ce frôlement a jailli l'étincelle. Je n'ai pu le voir, lui, mais j'ai entendu sa voix. Jeune homme? Bon, quelle couleur à présent? Jeune homme, dites un peu pour voir. Tiens, on a mis un bouchon dans la colonne. Tiens, on a mis un bouchon dans la colonne. Ce n'est pas du tout la voix. C'est sans doute parce qu'il nous manque la colonne. Mais ce ne peut être que lui. Il n'y en a pas tant qui m'ait frôlé. Non, mais pourquoi me raconte-t-elle tout cela? Vous dire combien cette rencontre dans la colonne m'a brisée, écrasée. Ça ne m'étonne pas. C'est si étroit. Depuis, ce souvenir me hante. Alors, je sens des effluves de sang qui me remontent et des battements, là et là. Ça fait braouh partout. Pauvre petite. Parfaitement. Eh bien, j'ai connu une dame qui avait ça. On lui a fait prendre des purgations et quelques mois après, elle accouchait. Est-il possible? Oh, le ciel m'en préserve! Je crois que j'ai trop brusqué tout à l'heure.